Le texte que Melchior avait reçu à traduire n'avait, comme d'habitude, aucune origine déterminée. Il ne portait ni date, ni ouvrage de référence, il n'était pas signé. Il en allait ainsi des informations que l'on traitait dans l'archipel, toujours partielles, toujours obscures. Elles n'étaient que des bribes détachées d'un tout que l'on renonçait à connaître. En l'occurrence, il était même difficile de faire la part entre l'analyse, l'actualité et la fiction. Toutes les interprétations étaient plus ou moins plausibles, et l'on demeurait enfermé dans une incertitude fondamentale quant à la pertinence même de telles questions. Peut-être ces textes n'étaient-ils rédigés que pour semer le trouble, accréditer l'illusion d'une vérité, d'une réalité inaccessible. Melchior pensait plutôt cependant qu'on morcelait les données pour diluer le danger qu'elles pouvaient représenter. Il valait mieux qu'un livre important fût traduit par 100 traducteurs différents qui oublieraient chacun, en moins de temps qu'il ne faut pour mourir, la page qu'ils avaient lue, plutôt que de charger un seul homme de s'approprier ce savoir, car on ne maîtrisait pas ce qu'il aurait pu faire de ce savoir une fois qu'il l'aurait fait sien. Bien sûr, des milliards d'informations brutes étaient disponibles sur le réseau, mais c'était cette fois leur quantité pléthorique, leur labyrinthe, qui les protégeait. On n'en savait pas assez pour apprendre à en savoir plus. On manquait de cette cohérence qui permet de dominer un élément sans risquer de s'y noyer. Melchior avait maintes fois essayé de glaner des informations, mais il n'était arrivé au terme de ses 35 années d'existence qu'un nombre très restreint de certitudes. Le texte paraissait récent, car il décrivait une structure sociale encore existante. Émanait-il d'un auteur étranger, d'une personne qui en savait assez pour théoriser, d'un membre de l'autorité? S'agissait-il d'une fable philosophique, d'un roman, d'un texte de propagande de l'une des 9 autres dictatures? Rien ne l'indiquait. Et Melchior, habitué à l'ambiguïté comme à l'air qu'il respirait, passa calmement en revue ses différentes possibilités sans en tirer aucune conclusion. L'un des points névralgiques de la société de l'archipel est en effet sans conteste l'absence de classe sociale apparente. L'homogénéisation progressive du niveau de vie, obtenue par un spectaculaire nivellement par le haut, est assortie d'une fermeture totale de la société sur elle-même. Les flux de personnes et de capitaux ont connu un recul sans précédent dans l'histoire. Et cette autarcie sociale, on le devine, ne peut se concevoir que dans l'hypothèse, déjà envisagée, d'un État fabuleusement enrichi. Le peuple de l'archipel, dans sa quasi-totalité, est cultivé et oisif. La contribution individuelle au fonctionnement du pays se réduit à un apport quotidien au traitement de l'information. Le peuple est un foyer d'intelligence humaine utile à des fins diverses. Production de textes, d'images, interprétation de données, traduction, synthèse, comparaison. Ce travail, qui n'est pas directement rémunéré, prend la forme d'une tradition à respecter. Il occupe en moyenne 2 à 3 heures par jour. L'ensemble des produits manufacturés, des produits agroalimentaires et tous les services gérables par le média informatique sont directement importés. Le reste de la main-d'œuvre et des services, réduit à 0,4% de l'activité économique et financière du pays, est assuré par des travailleurs étrangers qui ne sont en aucun cas intégrés au tissu social national. La société de l'archipel bat plusieurs records mondiaux, parmi lesquels le taux de natalité le plus bas, la plus faible mobilité géographique, le plus haut niveau d'instruction après le septentrion, le réseau urbain le moins dense, le plus haut taux de décès par cause accidentelle et maladie, sans compter bien sûr les particularités structurelles du pays déjà évoquées plus haut. Nous allons voir à l'aide d'exemples précis comment l'utopie cependant peut tourner au cauchemar. Nota bene sur les travailleurs étrangers. Cette immigration est toujours de courte durée. Les travailleurs reçoivent un visa pour la durée d'un chantier précis. Ils sont totalement pris en charge par l'État, reçoivent un salaire en moyenne 7 à 8 fois supérieur à celui qu'ils percevraient dans leur pays d'origine et ne peuvent plus prétendre ensuite à participer à aucun chantier ultérieur. Les soins médicaux font partie des champs d'activité principaux des travailleurs immigrés.